La police nationale organise un recrutement des gardiens de la paix de la police nationale. Les conditions de participation au concours sont affichées dans tous les commissariats de Lille et sur le site internet du ministère de l'Intérieur, www.lapolicenationalerecrute.fr, rubrique métier et concours de la police nationale. Pour tout renseignement, vous pouvez contacter le numéro vert 0800 22 0800, gratuit depuis un poste fixe, ou bien le secrétariat général de l'administration de la police à La Réunion au 02 62 92 99 76 ou le 99 77 ou alors le 99 78, ainsi que la délégation au recrutement et à la formation de la police nationale au 02 62 90 26 46. Les inscriptions peuvent se faire soit en ligne sur le site du ministère de l'Intérieur, soit sur un dossier papier à télécharger sur le même site ou à retirer au secrétariat général de l'administration de la police situé au 133 rue Jean-Châtel à Saint-Denis. Attention, il est important de ne pas cumuler les inscriptions papier et en ligne. La date limite des inscriptions en ligne est fixée au 10 juin 2016 à 18h, heure de Paris. La date limite de dépôt des dossiers papier est fixée donc au 17 juin 2016. Les épreuves d'admissibilité auront lieu le 8 septembre 2016. Vous avez aujourd'hui rendez-vous avec l'établissement français du sang de La Réunion pour une collecte de sang, en tout cas pour demain mardi. C'est la journée mondiale des donneurs de sang à la Nordève du Chaudron à Sainte-Clotilde. C'est de 9h à 17h. Ce jour, donc, les sites de l'EFS de Saint-Denis et Saint-Pierre seront exceptionnellement fermés pour permettre un meilleur accueil sur cette collecte. Jeudi, rendez-vous à la salle des fêtes de la Plénipalmiste pour toujours les dons de sang de 8h30 à 12h30, mais également au collège Achille Grondin de Saint-Joseph de 8h30 à 12h30, et vendredi à la Cynore à Sainte-Clotilde de 8h30 à 12h30 et au collège La Marine à Vincendoux dans le sud de 8h à midi. Réunion première, cet espace est le vôtre. Vos communiqués, vos messages par fax au 02 62 40 68 33 ou par mail à avis@francetv.fr. Comme ils croisent à haut d'un lycée, trop intimité pour moi causer. Tellement on fait vivre à moi, mon esprit y rêve toute la journée. Quand on passe côté moi, mon cœur y sait, mon cœur y sait. Quand on passe côté moi, quand on passe côté moi. Tous les soirs, pour guérir confort, il pense à vous fort. Il a mis voyage, comme d'ici un nuage. Tous les soirs, avant que m'y dorme, il pense à où fort il a mis voyage, comme des si un y a. Des fois où sourit à moi, mais ressent la passion, l'amour, la magie y reflète tous les jours. Please me croise au dieu, please me aime, les plis qui parfait, me aime ou personnalité. Pour guérir confort, il pense à vous fort. Il a mis voyage, comme des si un nuage. Tous les soirs, avant que m'y dorme, il pense à vous fort. Il a mis voyage, comme des si un nuage. Les lèvres pour causer, les lèvres pour causer. Dire la vérité, c'est nous sans. Vraiment, c'est nous de bons sentiments. Vous savez, mon esprit, de jour comme de nuit. Tous les soirs, pour guérir confort, il pense à vous fort. Il a mis voyage, comme des si un nuage. Tous les soirs, avant que m'y dorme, il pense à vous fort. Il a mis voyage, comme des si un nuage. Tous les soirs, avant que m'y dorme, il pense à vous fort. voyage, comme des cigognes. C'est très doux et plaisant, bercé dès son plus jeune âge par le Sega Emmanuel Ivara à l'instant avec tous les soirs sur la première. Les radars, la solution anti-pousse, on en parle danser dans la queue avec les invités de Philippe Dornier. Bon appétit avec la première, il est midi. Le journal de la rédaction, Cécile Thomas. Bonjour Cécile. Bonjour Lionel, bonjour à tous. Ils seront présentés au tribunal demain. Les détenus soupçonnés d'avoir participé à la bagarre générale qui a secoué la prison de Domingo lundi dernier sont entendus à Malartic avant d'être présentés à un juge. Demain, nous ferons le point avec Antoine Garnier dans un instant. Un référendum et après, 81% de votes contre le projet de carrière à Bois-Blanc. C'est le souhait exprimé hier par les Saint-Leuziens qui ont participé au scrutin organisé par Thierry Robert. Ils étaient 28% seulement à s'être déplacés. C'est peu. Nous entendrons la réaction du collectif Touche pas nous troche. Et puis Bruno Le Maire est candidat à la primaire à droite. Il vient d'arriver à La Réunion. Il y restera une semaine. Il nous dira pourquoi. Réunion première. Cécile Thomas. Et on commence avec les suites de la bagarre à la prison de Domingo. Il y a une semaine, les responsables des violences qui ont fait 7 blessés chez les surveillants seront jugés demain. Ce matin, 11 détenus suspectés d'avoir participé à cette bagarre générale ont été extraits de leurs cellules. Un convoi de fourgons de police les a conduits au commissariat de Malartic où ils sont entendus sous le régime de la garde à vue. Antoine Garnier. Oui, Cécile, c'est l'ultime étape d'une enquête qui n'aura pas traîné, ouverte par le parquet de Saint-Denis. La semaine dernière, elle a été confiée aux policiers de la Sûreté départementale. Durant toute la semaine, ils ont entendu les personnels de l'administration pénitentiaire présents au moment des faits. Les enquêteurs ont également visionné les vidéos enregistrées par les caméras de surveillance qui sont braquées sur la cour où la bagarre a eu lieu. L'interrogatoire des auteurs présumés de ces violences commises sur les surveillants de la prison va donc permettre aux policiers de boucler le dossier et de le présenter demain à la justice. Les détenus contre qui suffisamment de charges auront été retenues seront donc jugés demain matin selon la procédure de comparution immédiate devant le tribunal correctionnel. Merci beaucoup Antoine Garnier pour ces précisions. À Saint-Leu, le référendum sur la carrière de Bois-Blanc s'est soldé hier soir par un plébiscite. 8% de votants, c'est faible. Dès hier soir, la bataille a commencé autour de ces deux chiffres pour les pro-carrières. Le peu de participation sonne comme un désaveu pour le député maire. Pour les anti-carrières, l'écrasante victoire du non est forte de sens. Lilian Rayac, porte-parole du collectif Touche pas nous troche, qui lutte contre l'installation de cette carrière. Les 5700 Saint-Leuziens qui se sont déplacés hier pour dire non à ce projet, nous, ça nous constitue aujourd'hui un réservoir très important pour la suite de la procédure, et notamment, je pense, à l'enquête publique qui devra s'organiser dans les semaines ou les mois à venir. Nous, plus que jamais, on est motivés. Nous allons travailler quasiment corps à corps déjà avec les 5700 personnes qui ont voté hier pour les informer davantage sur le nouveau projet, parce que avec cette grosse inquiétude que après la carrière, ça va être transformé en centre de traitement de déchets. Lilian Rayac du collectif Touche pas notre roche, interrogé par Pierre Komorasamy. Les roches qui seraient extraites de cette carrière sont destinées au chantier de la nouvelle route du littoral, également opposé à l'exploitation de Bois-Blanc, Huguette Bello. Pour la députée PLR, les carrières vont mettre en danger l'avenir du BTP à La Réunion. Invitée de la matinale, elle a accusé Didier Robert de ne pas avoir tenu sa promesse d'organiser une consultation sur les carrières. Le président de région qualifié, je cite, d'imprévoyant. Interrogé sur la journée de grève demain contre la loi Travail, Huguette Bello a rappelé avoir écrit à François Hollande une lettre co-signée par 56 députés de gauche, ceux qui avaient tenté de déposer une motion de censure après le 49-3. Ça n'est pas un déshonneur de retirer un texte où il y a vraiment la défaite des droits collectifs, où la rente financière est privilégiée par rapport au travail, où on va mettre en place un salariat low cost. Savez-vous que un travailleur au SMIG, il gagne à peu près 13 544 euros par année? Est-ce que l'avenir, c'est aussi que nos grands dirigeants du CAC 40, leur objectif, comme Carlos Ghosn, qui aujourd'hui touche 15 500 000 euros, le patron de L'Oréal, 8 millions d'euros, ces chefs d'entreprise, est-ce que leur objectif, c'est de toucher comme le patron de Discovery Channel? Huguette Bello, qui fait référence au PDG de Discovery Communication, le groupe de médias qui détient notamment les chaînes Discovery Channel et Eurosport, David Zaslav, qui a encaissé 140 millions d'euros l'an dernier. C'est le patron américain le mieux payé. Et la mobilisation se poursuit demain donc contre le projet de loi El Khomri, journée de mobilisation et de grève nationale. À Saint-Denis, un défilé partira du Petit Marché, direction la préfecture. Le rassemblement est prévu à 9h. Cet autre mouvement, dixième jour de grève pour les salariés de la crèche Simon Gavol de Tibaba à Saint-Paul. Sur la trentaine de salariés, une quinzaine sont en grève. Des auxiliaires puéricultrices, des animatrices et des éducatrices de jeunes enfants réclament la réintégration de deux de leurs collègues, une agent d'entretien et la directrice de la crèche, Régine Infante, auxiliaire puéricultrice et déléguée suppléante du personnel. Ce qui se passe, c'est que à la base, en fait, il y a eu un licenciement abusif sur Simon Gavol concernant Madame Akamas de son poste. Ensuite, il y a eu le non-renouvellement du détachement de notre directrice, Madame Moiro Nathalie. Durant cette grève, le CA nous a reçus, le CA nous a entendus, ce qui fait qu'on a eu une médiation avec l'inspection du travail à Saint-Denis. On a eu quelque chose de positif, c'est-à-dire la réintégration de Madame Akamas. Ce qui se passe là, c'est que nous, on continue parce qu'on veut vraiment la réintégration de Madame Moiro. Voilà, la directrice de Simon Gavol, on trouve vraiment que c'est injuste. Après, c'est vrai que nous, on est toutes solidaires et on aimerait vraiment que les choses se décantent. Régine Infante, auxiliaire puéricultrice et déléguée suppléante du personnel, interrogée par Delphine Poudroux. Pour faire face au manque de personnel, la direction de la crèche a mis en place un service minimum. Il gère l'accueil de la soixantaine d'enfants de la crèche Simon Gavol. Direction Mayotte, cela fait déjà un mois que les personnes chassées de leur logement campent sur la place de la République à Mamoudzou. Les associations qui interviennent en leur faveur se sont réunies hier à la MJC de Mtsapere. Objectif, trouver une solution pérenne à la situation de ces familles. Elles survivent dans des conditions dites inhumaines. Les associations manquent de moyens et font appel aux bonnes volontés. Elles en sont à chercher de quoi nourrir ces familles qui ne font qu'un seul repas en cette période de Ramadan. Les premiers délogés de la place de la République, pour rappel, sont arrivés le 15 mai dernier sur un camp à ciel ouvert avec plus de 80 adultes et de nombreux enfants sans aucune sécurité. La plupart dorment à même le sol. Le reportage sur place d'Abderrahmane Saïd. Il y a 250 personnes qui sont recensées sur la place de la République, dont un peu plus de 80 adultes. Elles sont nourries par une quarantaine d'associations et les moyens décroissant chaque jour. Un appel aux dons a été fait vers les diasporas comoriennes de la Réunion et de la métropole. La situation est tout de même plus délicate pour les plus jeunes, qui constituent les deux tiers de cette population. À la nuit tombée, ce sont les tout-petits qui souffrent le plus de la baisse de température, le vent et le manque de couverture, ce qui témoigne de la nécessité pour cette population d'avoir des abris d'urgence, même provisoires. La place de la République est devenue le dernier village créé à Mayotte, et depuis presque un mois qu'ils partagent ce lieu, des liens se sont créés. Des délogés solidaires et en situation régulière qui souhaitent une solution pour tous ou pour personne. Un reportage de nos confrères de Mayotte Première. Candidat à la primaire à droite avec des ambitions présidentielles, Bruno Le Maire est depuis ce matin dans notre île. Une visite prévue jusqu'à la fin de la semaine en compagnie d'Yves Jégot, ancien secrétaire d'État chargé de l'Outre-mer et député de Seine-et-Marne, et de Sébastien Lecornu, président du conseil départemental de l'Eure. Nicolas Sarkozy était resté une journée, une semaine, c'est bien plus long. Pourquoi rester aussi longtemps? Élément de réponse avec Bruno Le Maire lui-même. Je pense qu'il faut accorder du temps à l'île de la Réunion pour comprendre leurs difficultés, leurs attentes, pas simplement les élus, mais aussi les citoyens, les associations, les forces économiques, les forces religieuses, voire vraiment toute l'île. Et pour ça, il faut prendre du temps. Et puis je suis venu pour convaincre mes amis réunionnais qu'une autre politique est possible pour la présidentielle de 2017 et pour la primaire de 2016. Qu'ils ne sont pas obligés de reprendre les mêmes figures politiques que celles qu'ils connaissent depuis 30 ou 40 ans. Qu'il est peut-être temps de passer à autre chose, de donner un nouvel élan aux Outre-mer et en particulier à l'île de la Réunion. Bruno Le Maire interrogé à sa descente d'avion par Philippe Ouarot. Politique toujours, notez que c'est Jean-Claude Fruteau, le député maire PS de Saint-Benoît, qui sera devant la réunion à partir de 18h15. Il répondra aux questions de Sophie Persson et de Gaël Le Dantec sur Réunion Première. C'est dans l'actu. Ce midi sera consacré aux radars, ceux qui nous font surveiller notre vitesse sur la route. Celui du boulevard Léopold Rambaud a été mis en service cette nuit à minuit à Saint-Denis. Il a déjà eu l'occasion de flasher des automobilistes un peu surpris. Ce nouveau radar devrait dissuader les amateurs de pousse qui se retrouvent régulièrement sur cette ligne droite le soir. On passe de la pousse au push car. Et là, on oublie la vitesse démesurée. Il s'agit de courses en caisse à savon. Il faut une voiture bricolée maison, un pilote et un copilote qui poussent. Hier à Brapanon, l'association Les Fous du Volant organisait une journée de course. Une compétition sur un circuit à plat, en deux manches, avec un changement de pilote à chaque manche. Mélodie Nouret a rencontré deux jeunes participants, Léo et Paloma. Tous les deux ont 10 ans et ils ont adoré. Mes parents, ils m'ont amené ici et puis... À base, on voulait pas trop le faire parce que... Je crois que c'était pour les bébés. Oui, ensuite quand on est arrivé, on a commencé à en faire et puis on a adoré. Alors le principe, c'est quoi, si tu peux m'expliquer comment ça se passe? Y a deux personnes. Y en a une qui est dans la voiture et l'autre qui pousse derrière. Qui manœuvre un petit peu, qui conduit alors. Ouais. Et le but, c'est d'aller le plus vite. Il y a des courses et des temps. Toi, tu connaissais, toi, le principe du push-car avant? Non. Et alors, qu'est-ce que tu en penses? C'est super. Ça va vite, on est en équipe. Wow. Alors, qui étaient les concurrents les plus difficiles à battre? Il y avait des grands garçons, c'était les plus durs. Des propos recueillis par Mélodie Nori. Du sport et une météo parfaite hier matin pour le trail de Bellevue, ce qui a permis à Loïc Boyer d'établir un nouveau record pour cette course. Le pensionnaire du club de la montagne s'est imposé en 1h, 42 minutes et 14 secondes, balayé le temps de référence de Julien Ouarot sur cette boucle de 17 km dans les Hauts-de-Saint-Denis. Loïc Boyer est arrivé devant Cédric Gontier et James Lallemand. Chez les féminines, Anaïs Plante l'emporte en 2h et 14 minutes. Elle devance Katerina Pierry et Ghislaine Ribot. Katerina Perry, l'ancienne championne olympique handisport, a longtemps fait la course en tête avant de céder dans la dernière ligne droite face à la Panonaise. Anaïs Plante sur la ligne d'arrivée avec Olivier de la Richaudy. Au début, ma partie doucement. Après, quand elle rattrape la côte, m'a suivi les gens et elle m'a rattrape la deuxième. Et après, m'a rattrape la première dans la descente. Et vous descendez bien en fait ou... Pas vraiment. Il monte plus que mes descentes, mais là, elle m'a bien descendu. Parce qu'elle m'a fait 2h14 et l'année dernière, elle m'a fait 2h41. Donc, c'est une bonne progression pour cette année. Bel objectif. Ça veut dire que vous la bossez, vous la changez, ou une méthode d'entraînement entre temps? Oui, mais je travaille plus la côte effectivement que l'année dernière. Parce que l'année dernière, elle venait de commencer aussi en début d'année. Avec qui on entraîne? Avec Thierry Chambry et un peu tout le monde. Après, avec mes amis, mon copain. Et voilà, et me remercie aussi Alexandre Charlestine et Christophe d'avoir aidé à moi. Parce que de la tire à moi un petit peu, de la encourage à moi. Anaïs Plante, la Panonaise sur la ligne d'arrivée, interrogée par Olivier de la Richaudy. L'info revient à 13h. L'info continue surtout avec les titres de l'actu nationale et internationale avec nos confrères de France Info. La Tour Eiffel va se parer ce soir des couleurs américaines en hommage aux 50 victimes d'Orlando en Floride, la fusillade la plus meurtrière qu'aient connue les États-Unis. Un seul tireur, Omar Mateen, 29 ans, citoyen américain, vigile de profession, décrit comme colérique et instable. Il aurait prêté allégeance à Daesh avant de passer à l'acte. L'organisation terroriste a ensuite revendiqué l'attaque. C'est le début d'une semaine décisive sur la loi travail. Le texte arrive devant le Sénat pour 2 semaines d'examen. Les actions coup de poing d'opposants continuent. Ce matin à Toulouse, par exemple, 2 dépôts de bus sont bloqués. Un troisième a été libéré par les forces de l'ordre. Cet accident en marge de l'Euro de football, un supporter de l'Irlande du Nord est mort cette nuit à Nice, ivre. Il aurait escaladé une rambarde avant de chuter sur la tête. Deux équipes, l'Angleterre et la Russie, risquent une exclusion de la compétition. C'est la menace que fait planer l'UEFA. 5 hommes vont être jugés en comparution immédiate aujourd'hui après les heurts à Marseille ce week-end. Et puis de 12, il y a désormais 12 candidats à la primaire de la droite. Le député Henri Guénot officialise sa candidature aujourd'hui. S'il n'obtient pas les parrainages nécessaires, il pense à se présenter directement à la présidentielle. France Info. Bonne journée à tous. Chloé et Philippe Dornier pour la suite. Bonjour. Bonjour Cécile. Bonjour à tous. souriez, vous êtes flashé. Ça a été le cas dès ce matin sous les yeux d'Yves Gruyer, deux automobilistes pris en flagrant délit sur le boulevard Léopold Rambaud. Et je crois qu'ils n'ont pas souri en fait sur le fait. Des radars pour nous faire lever le pied et limiter le nombre d'accidents sur nos routes. On en parle ce midi, c'est dans l'actu Philippe. Oui, et l'objectif de ce radar, Cécile, c'est aussi d'en finir avec la pousse pratiquée par les amateurs de sensations fortes. Ça ne règle pas le problème des sites à trouver pour s'adonner à cette passion. Pour en parler, trois invités, un gendarme, un habitant du boulevard Léopold Rambaud et un instructeur de pilotage. Toutes vos questions au 02 62 99 2000. Réunion première, Philippe Dornier. 12h15 sur Réunion Première. Bonjour à tous et bonjour à Dolène de la Direction Régionale des Routes et un point circulation. Bonjour. Bonjour Chloé, Philippe et à tous. Le réseau routier se porte bien, pas de difficultés de trafic sur le réseau national. Vous bénéficiez d'une circulation fluide sur l'ensemble des deux fois deux voies. Donc radar ou pas, soyez prudents. En tout cas, voilà, je vous dis bonne route et bon après-midi. Les inforoutes, c'est sur Réunion Première. Nous faisons un petit point sur la météo avec un temps de saison pour ce lundi, 13 juin. Il faisait frais ce matin au lever du jour, mais le soleil était là malgré tout. Il y a des nuages en ce moment dans les hauts de la Réunion avec quelques gouttes possibles et une température moyenne de 20 degrés. Pour cet hiver austral et cette mi-journée, de la brise sur le chef-lieu, du beau temps en général, pas de précipitations, le vent est faible. Première. L'état du réseau routier, l'avancement des travaux, les bouchons, les inforoutes, c'est sur Réunion Première. Il y a un poids lourd qui tamponne au niveau des potences. Les messages de sécurité routière. En direction de la possession. Du lundi au vendredi, tous les quarts d'heure, entre 6h et 9h et de 16h à 18h. Yves Gruyer. Bonne route avec Réunion Première. Retrouvez les avis de décès tous les jours sur Réunion Première à 5h50, 11h50, 13h50 et 17h50. Les avis de décès avec Réunis Solidarité, Mutuelle Obsèques et Complémentaire Santé. Envie de fraîcheur ? Vous avez accueilli ce matin les premiers fournisseurs. Prisca sur Réunion Première. Lundi au vendredi, sur les étals des marchés de notre île, avec vous, 5h45, 6h20, 9h55, 10h28. Et la fraîcheur. Faites le plein de saveurs en direct du marché avec Espace Fraîcheur. Première. 12h17 sur Réunion Première, les radars, la solution anti-pousse. Question posée par Philippe Dornier aux invités de C'est dans l'actu. Il est perché à 3 mètres de haut et depuis ce matin, il traque tous les véhicules qui roulent à plus de 70 km/h. Le radar du boulevard Léopold Rambaud entre en service aujourd'hui. Installé à un endroit stratégique après le dernier carrefour à feu de la sortie est de Saint-Denis. Un axe, on le sait, très apprécié des amateurs de pousser. L'idée, évidemment, eh bien, c'est de les dissuader de faire des courses sauvages de voitures. Parallèlement, la vidéosurveillance doit être renforcée dans le secteur et des rassemblements automobiles sur circuit seront autorisés, comme vendredi dernier, par exemple, à la Jamaïque. Ce nouveau radar va-t-il vraiment décourager les pousseurs? Les riverains sont-ils satisfaits de cette solution? Ou est-ce que les fans de vitesse vont pouvoir lâcher les chevaux? C'est dans l'actu sur Réunion Première. Midi 13h, c'est dans l'actu. Philippe Dornier. Et vous pouvez participer à l'émission, bien sûr, avec les réseaux sociaux, la page Facebook, c'est dans l'actu, le hashtag CDL la première sur Twitter, et puis les numéros de téléphone 02 62 99 2000 pour nous appeler, nous poser vos questions en direct, et par SMS 06 92 608 335. Avec nous ce midi, Marcel Bidois, le président du comité de défense des otages de la pousse de la rue Léopold Rambaud. Bonjour. Bonjour. Le capitaine Laurent Frutos, bonjour. Bonjour. Commandant de l'escadron départemental de sécurité routière de la gendarmerie. Et puis Laurent Olivier, bonjour. Bonjour. Vous êtes instructeur de pilotage. Alors ça fait déjà plusieurs années, un paquet de temps même, on peut dire, que les habitants du boulevard Léopold Rambaud réclament des mesures contre la pousse. Est-ce que vous pensez avoir été entendu, Marcel Bidois ? La lecture peut se faire, je dirais, de deux façons. La toute première, à l'heure actuelle, donc Oui, ça fait du bien de voir qu'on a été entendu, que les autorités ont bougé, qu'il y a eu une prise en compte quand même de nos doléances avec la pose donc de ce radar. Mais l'autre lecture, c'est la place du radar actuellement. C'est-à-dire ? C'est-à-dire qu'il arrive vraiment en fin de course quand vous parlez avec les pousseurs, parce que quelquefois ça arrive à ce que nous essayons comme de discuter un petit peu avec eux. Il y a du dialogue ? De temps en temps. D'accord. Alors qu'est-ce qu'ils vous disent ? Pour eux, le radar sera sans effet. Pourquoi ? Pour la bonne et unique raison, c'est que la pousse elle-même, là où se situe le radar, il se situe après la fin de la pousse. Et pourtant, sur tout le secteur Léopold-Rambeau, il y a beaucoup de feux. Ça veut dire que la pousse a lieu sur le secteur, si vous voulez bien, qui part de la station Tamoy, l'enseignement. Au début du boulevard, après le Lancastel. De Canon. Donc ça part de là et ça arrive jusqu'à peu près au, si vous voulez, le magasin. L'ex-carrefour de l'UMAB. L'ex-carrefour de l'UMAB. À ce moment-là, ils font demi-tour et rebelote, ils descendent. D'accord. Et comme le feu se situe après, hein, quand même 70 mètres après le feu, donc pour l'instant c'est vrai que pour les usagers de cette route, Léopold-Rambeau, bon ben c'est vrai que pour beaucoup ça va atténuer la circulation, mais ce n'était pas la circulation de jour qui nous posait problème. Hein, donc, mais c'était vraiment le fait que c'est le tapage nocturne, non seulement de la nuit avec les automobilistes ou les pousseurs, mais aussi tout ce qu'il y a, je dirais, de façon collatérale avec la pousse, c'est la musique, les festivités, les cris, tout ça qui fait que ça fait partie d'un tout, quoi. Un radar qui serait placé trop loin. Alors, je précise qu'il n'est pas en zone gendarmerie, c'est en secteur police. Mais à la gendarmerie, on s'intéresse évidemment de l'emplacement. On s'intéresse à l'emplacement des radars. Qu'est-ce que vous répondez à Marcel Bidois, capitaine Frutos ? Alors, je comprends la problématique soulevée par Monsieur Bidois, mais en tant que représentant des forces de l'ordre, je considère que toute nouvelle implantation d'un radar contribue à une amélioration de la sécurité routière. C'est prouvé. Quelques arguments chiffrés pour vous en convaincre. Sur notre analyse 2015 de l'accidentalité routière, je rappelle qu'en zone gendarmerie, nous avons déploré 190 accidents, 33 tués et 218 blessés. Donc ce matin, je me suis livré une analyse. Lorsqu'on prend en compte la vitesse excessive ou la vitesse inadaptée qui rentre dans les causes de ces accidents, eh bien, on en ressort plus de la moitié. 108 accidents, 22 tués, 136 blessés. Voilà. Je pense que ces chiffres parlent d'eux-mêmes. Alors certes, il y a d'autres cas, d'autres causes. Un accident n'est jamais lié à une seule faute. Mais entre autres, sur ces chiffres que je vous donne, la vitesse ou le défaut de maîtrise était présente dans les circonstances de ces 108 accidents. Est-ce qu'il n'aurait pas fallu placer le radar plus en amont ? Alors ça, si vous voulez, je ne peux répondre à cette question puisqu'on se situe en zone exclusive de compétence de nos camarades de la police nationale et c'est eux qui ont fait l'analyse avec la DEAL et s'ils ont estimé l'emplacement de ce nouveau radar à cet endroit, je ne pense pas qu'ils se sont appuyés sur des chiffres tronqués. Laurent Olivier, sur cette première remarque de Marcel Bidois. Ben écoutez, je me rends compte que s'il est en fin de course, ce sera un radar qui va peut-être définir la vitesse maximale d'un véhicule. Là, je fais une boutade. Après, sur l'emplacement des radars, on parle de gendarmerie, de compétences, de police. Je pense que tous les acteurs devraient être concernés, devraient être invités, afin qu'on puisse, également les riverains, on puisse définir, je ne sais pas comment ça fonctionne dans les décisions, mais définissent comme à l'emplacement d'un radar en fonction des besoins, des problèmes, de la pousse ou autre. Car le radar n'est pas, je pense, mis uniquement pour la pousse. Non. Une fois qu'il est installé, bah, il est pour tout le monde, jour et nuit. Et on parlait bien d'un problème de nuit, de nuisance, je dirais, globale, de nuit. Alors, le sujet est délicat. Radar, oui, mais moi, je veux dire que radar, dans des zones bien précises et des zones vraiment dangereuses. Est-ce que cette zone est dangereuse ? Là, je ne pourrais pas répondre. Ouais, alors, elle est dangereuse du fait de la pousse. Ah, du fait de la pousse, effectivement. Après, on est sur une zone, ce capitaine va peut-être me dire le contraire ou autre, une ligne droite, bon, on est proche de la ville, c'est vrai, mais on est sur une voie on va dire presque d'accélération, parce qu'on part d'un feu, c'est le dernier. Et puis on est en sortie de ville, les gens, sortie de ville, ces mécaniques, ils accélèrent. On arrive, en si vous voulez, je ne vois pas, enfin, sauf si je me trompe, de danger imminent. Bon, il y a toujours un chien qui peut traverser une voie, et même un piéton, ça arrive très souvent. Mais il y a globalement moins de risques là qu'en ville ou extra-ville. Donc, et qui plus est, à 100 mètres après ou 200 mètres après, on est à 90. Et après 110, parce qu'on arrive sur la, après sur la voie rapide. Sur la voie rapide. Peut-être qu'il y a, je sais pas, un juste milieu à trouver et que là, c'est bon. Je ne partage pas votre avis. Un seul indicateur. Regardez dans le virage qui est après, qui est à 90, le nombre de véhicules qui vont heurter le muret. Ils vont le heurter pourquoi? Parce que la vitesse, bien souvent, est un peu excessive. Il y a des ralentissements, ça freine dans le virage et ça tape. Vous venez de dire, très justement, que la vitesse est aussi des fois excessive ou inadaptée. Eh oui. Voilà. Donc la vitesse est liée, à mon avis, à plusieurs points. Est liée aussi à l'état des véhicules qui roulent. Donc il y a des véhicules qui peuvent très bien tourner à 90, d'autres un peu plus ou voire un peu moins, suivant l'état des véhicules, âgés, pas âgés, entretenus ou pas. Et puis aussi la prise de conscience du conducteur. Et là, ça rejoint un petit peu la maîtrise. Et c'est au conducteur. Malheureusement, on ne peut pas mettre un radar derrière chacun, et, ou un gendarme ou un policier, hein, c'est évident. Mais c'est à chacun de prendre conscience, en fonction des intempéries, de l'environnement, en fonction de son véhicule, s'il peut, oui ou non, tourner là à 90, 80, à 80 ou à 60 ou à 110. Voilà. Marcel Midois. Oui. Maintenant, je dirais, bon, il est vrai que les autorités, je pense qu'ils ne peuvent pas faire les choses comme ils le veulent, comme ils le désirent, ils ne peuvent pas répondre à tous les désirata. Ça, je suis entièrement d'accord avec vous. À quoi vous pensez quand vous dites ça? Quand je pense à ça, pour avoir discuté de ce fusque avec la gendarmerie, avec, avec la police, avec le procureur, le préfet, le seul qui n'a pas, avec qui aujourd'hui il y a un silence radio sur toute la ligne, c'est le maire. On n'a jamais pu avoir une entrevue quelconque, même à nos lettres, ils n'ont jamais répondu. Mais tous ceux qui ont parlé nous ont expliqué un petit peu, on a fait une administration, les choses ne sont pas aussi évidentes et aussi faciles que ça. Donc il faut quand même admettre cela et le dire. Mais ce que je dis, au niveau de, comme je le disais tout à l'heure au capitaine, si des gens ont envie d'enfreindre la loi, ils le feront d'une façon ou d'une autre. Même si c'est en ligne droite, pour répondre à notre ami Olivier, même en ligne droite, si vous regardez sur la pousse, nous qui sommes sur les lieux, je dirais il y a à peu près un accident tous les 15 jours. Un accident, certes matériel, mais les gens n'osent plus traverser. Dans le cadre de la pousse? Dans le cadre même de la pousse. Hein, là, juste en face de nous, le voisin s'est fait défoncer son mur il y a 15 jours. Deux fois de suite, le consulat des Indes s'est fait aussi défoncer le mur. Bon, il y a souvent des dérapages. Même plus loin, un jour, avant le feu rouge, il y a eu un garage qui s'est fait aussi défoncer sa porte. Donc, si vous voulez bien, je pense que cette dangerosité font que c'est une course. Les uns et les autres veulent se doubler. Ils vont à fond, il n'y a pas de maîtrise. Venez me dire, pour conduire en ligne droite, bon, c'est peut-être un peu ironique ce que je vais dire, mais vous n'avez pas besoin d'apprendre à conduire. Il suffit d'appuyer sur un accélérateur, et puis... Je suis d'accord. On va laisser Laurent Olivier, qui est instructeur de pilotage. Je suis d'accord que pour accélérer en ligne droite, il n'y a pas besoin de grand-chose en cellule grise pour le faire, hein, pardon pour ceux que je pourrais blesser. Mais c'est vrai que pour apprendre à piloter, même si ce n'est pas le cas sur la route, hein, on s'entend bien, il faut un minimum savoir freiner. Donc ça, c'est un minimum. On parle de la pousse, on parle d'un problème de gens passionnés, de gens qui ont envie de vivre des moments un petit peu fous, des sensations qu'ils n'ont peut-être pas ailleurs avec leur véhicule, parce que leur véhicule a peut-être de la puissance, ça fait du bruit, enfin il y a le côté concurrence, le côté pari qu'on pourrait faire. Bon, j'ai jamais été sur une pousse, hein, donc je ne peux pas trop le définir, mais je pense qu'ils ont envie de vivre des choses qu'ils n'ont pas vécues la journée, donc ils viennent la nuit, ils poussent, ils se font des paris. Voilà, oui, donc il y a un côté masculin entre guillemets qui se met en place. Maintenant, il est vrai que la route n'est pas un circuit, ça on est d'accord. Hein, ils sont pas seuls, il y a aussi des gens qui Il y a des riverains comme monsieur, il y a des gens qui circulent, qui vont travailler, qui reviennent, qui sortent, et qui n'ont pas envie de se frotter à ces gens qui roulent un peu trop vite, voire très vite. Donc le danger, il est là. Le danger, il est pour eux, d'une part, et pour les autres aussi. Donc, c'est ces gens-là qui poussent et qui ont des fois des voitures très, très bien affûtées et puissantes, devraient, alors on les invite à venir, à rejoindre des associations qui aujourd'hui organisent des événements sur circuit, oui, avec des règles, je dirais, limitées, pour leur permettre de se défouler. Voilà, le mot, il est là, de se défouler et de prouver que leur véhicule accélère, et ils peuvent même déraper s'ils ont envie, parce que le cadre s'y prête. Maintenant, c'est vrai qu'il y a des règles, il y a un code de la route. Ce code de la route, c'est vrai, quelquefois, et là, c'est une discussion que je pourrais avoir avec monsieur le capitaine, il y a peut-être des points où la vitesse n'est pas tout à fait adaptée, ou alors mal adaptée, que ce soit en deçà ou au-delà. Ça, c'est encore un autre sujet, mais il faudrait que ces gens-là viennent sur le circuit pour se défouler. Et là, ils ont un cadre, ils ont un environnement adéquat et avec une sécurité, on va dire, quasi maximale. Alors, il y a quand même des contrôles, commandant Frutos, qui sont faits régulièrement. Est-ce que vous avez senti une évolution du phénomène ? Pour être clair, est-ce qu'il y a moins de pouces aujourd'hui, avant ce radar, hein, est-ce qu'il y avait moins de pouces ces derniers temps que par le passé ? Non, on ne pourra pas dire qu'il y avait moins de pouces. La problématique, c'est que les pousseurs sont de plus en plus prudents, on va dire, et effectuent des repérages avant de se livrer. J'allais dire, c'est bon signe s'ils sont plus prudents. Non, prudents dans le sens, pas risquer de se faire prendre n'importe comment. Donc, c'est un peu le jeu du chat et la souris. Et on essaie de mettre en place des dispositifs de plus en plus discrets, de façon à ne pas être repéré par les pousseurs avant qu'ils se livrent à leurs pouces et de les prendre en flagrant délit, si je puis m'exprimer ainsi. Et j'avoue que j'étais très surpris par ce que nous disait Marcel Bidois, parce que, en clair, ça veut dire que la pousse a lieu sur l'axe même, là où il y a des carrefours avec des feux, et donc avec le risque de passer à un moment où le feu est rouge et de griller une priorité. Ça vous l'avez constaté, ça ? Ce n'est pas un souci pour de griller les feux rouges, parce que quelquefois, quand on ne dort pas, il y a des moments, il y a des gens qui sont là et on essaie de voir un petit peu ce qui se passe. Ce n'est pas trop un problème pour eux de griller les feux rouges. Ben, ça peut l'être pour ceux qui traversent. Je suis surpris qu'ils grillent les feux rouges. Mais par contre, autant ils poussent, autant ils grillent les feux rouges, ça me paraît. Ils s'en servent pour les top départ. Mais je dis, ce qui est le dangereux, c'est la foule qu'il y a autour. Parce que la pousse, ça veut dire qu'il y a, la fois dernière, dans l'émission de télé qu'on avait fait au départ, on voyait les personnes qui étaient là. C'est vraiment une fête populaire pour eux. Il y a quand même pas mal de gens. Et il y a beaucoup de monde. Il y a beaucoup de monde. Vous évaluez à combien cette foule ? Écoutez, la fois dernière, imaginez-vous une foule qui part depuis la station, qui arrive jusqu'à peu près à la hauteur donc du feu de l'UMAB. Il y a toujours des gens qui sont là, des concentrations de voitures, quelquefois même des mamans, des jeunes mamans avec des bébés dans les poussettes. Et je dis, ce danger, et d'ailleurs on le voit, la fois dernière quand ils sont rentrés dans le muret qui était juste à côté de chez nous, il y avait des gens qui étaient chez le parking, qui quand ils ont vu la voiture déraper, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Heureusement qu'il y avait un parking, ils ont couru. Je crois que... C'est vrai qu'à vous entendre, la pousse est un spectacle. C'est un spectacle, mais c'est plus qu'un spectacle. Ouvert, mais ça, c'est quelque chose qui n'est pas vraiment nouveau, on le sait. On le sait, mais on parle de Saint-Denis, mais je pense que dans d'autres villes, notamment à Saint-Pierre, ce phénomène existe aussi. Peut-être moins souvent, ou je ne sais pas. Mais je ne sais pas. Je parle pour de ce que je sais. Le commandant, je pense qu'il est au courant que vers McDo, pour ne pas le citer, il faut citer trois marques, je crois, dans Quick. C'est pas considéré comme de la publicité. On a fait un dispositif dans le sud, c'est sur la compagnie de Saint-Pierre, où j'avais engagé mes unités de l'EDSR. L'escadron départemental de sécurité routière. Aux côtés des gendarmes de la compagnie de Saint-Pierre. Et donc là, ça se situait au niveau de la station Engen. Et après, on les interceptait au niveau du portail. À Saint-Leu. Et là, effectivement, on a procédé à deux très grands excès de vitesse. Mais forcément, une fois que les deux premiers étaient pris, forcément, l'information est très vite passée. Quand vous dites très grands excès de vitesse, c'est pour être concret. C'était, j'ai plus les vitesses exactes en tête, mais c'était au-delà de 180 km/h. Ouais. Pour deux véhicules. Ce qui est évidemment très dangereux. Les radars sont-ils la solution anti-pousse ? C'est dans l'actu ce midi sur Réunion Première. C'est dans l'actu. Prenez part au débat. 02 62 99 2000. 99 2000. Avec une question sur Facebook de Frédéric. Alors, il est dubitatif. Frédéric, il dit « Mettre un terme à la pousse, la vente des pièces pour booster sa voiture, c'est légal, non ?» Voilà ce qu'il nous demande. Alors, ça pose le problème des gens qui trafiquent leur voiture et du coup, ils se disent « Ben, faut l'utiliser la voiture après ». Est-ce que le problème n'est pas en amont? Je pense que qu'il vende de pièces ou pas, le problème ne se résolvera pas. Il y a des autos aujourd'hui qui vont très vite d'origine, les véhicules d'origine qui vont très vite. Il y a aussi la phrase qui dit « peu importe le flacon pourvu qu'il y ivresse », sans jeu de mots. Voilà, donc peu importe, on pourra pousser avec 100, 200, 300 chevaux, c'est pas ça le problème. Le problème, il est humain, c'est une envie, c'est un besoin apparemment pour certains de rouler vite et de dépasser l'autre, de se dépasser son véhicule. Voilà, c'est un jeu, ça devient un jeu, je pense. Donc ce jeu-là, malheureusement, il est sur route ouverte, je me répète. Il faudrait qu'il soit sur circuit. Et notamment, il y a des projets comme ça, non ? Notamment, oui. il y a des associations via le circuit de la Jamaïque et surtout de Sainte-Anne qui organisent, d'ailleurs, il y en avait une dimanche, des runs, c'est... Au circuit Félix Guichard. Ce sont des courses d'accélération. Qui est référencé par la Fédération française du sport automobile. C'est devenu un sport automobile. Et, par contre, il y a des règles, bien entendu, il y a un cadre. C'est payant. Bon, voilà. C'est pas très très cher, mais enfin, c'est vrai que quand il y a concurrence, il y a moyens. Donc, ça demande des moyens, évidemment, techniques, financiers. Et là, il y a vraiment, on va dire, c'est une pousse réglementaire. Et là, on est sur on n'est pas sur route ouverte. Et là, c'est acceptable. Ce phénomène-là sur route ouverte, il est vraiment dangereux. Marcel Bidois, vous y croyez ça à la pousse les pousseurs qui laissent tomber la voie publique et puis qui se mettent dans un cadre réglementaire. Non, l'absolu, je n'y crois pas. Pourquoi ? Pour l'unique raison. Déjà, la première des choses, un circuit, c'est technique. Il y a, comme M. Olivier a dit, il y a des règles. Et il faut savoir conduire, parce qu'on ne va pas sur un circuit le premier quidam qui a envie d'accélérer. Il peut venir. Il est même invité à venir. Mais ça va nécessiter un apprentissage, ça va nécessiter pas mal de choses. Mais il y a quelque chose d'autre qui est beaucoup plus pernicieux, c'est qu'il y a quand même des paris. C'est comme vous le dites, c'est un jeu. Des paris, et on le sait, les autorités le savent, il y a des sommes Il y a une économie parallèle. Il y a toute une économie parallèle qui est derrière, qui se situe pas seulement au niveau des paris, mais qui se situe aussi, comme c'était Monsieur Moreau quand il y était, expliquait que vous voyez, au niveau par exemple des vendeurs de pièces de voitures, ils savent qu'il y a beaucoup de choses qu'ils peuvent pas faire, mais les boîtiers électroniques, les modifications qu'il y a, toutes ces choses-là qui font que ces voitures-là viennent et se présentent en ligne, mais je vois aussi d'autre côté, c'est que à chaque fois que il y avait un service d'ordre qui était là, du coup, on voyait tout de suite tout se poser, tout tempérer. Maintenant, comment faire ? Pour vous répondre, si je peux me permettre, l'activité circuit, que ce soit en roulage libre, en run ou autre, en compétition ou pas, n'est pas le médicament pour éradiquer la pousse. Donc, ça va permettre à certains de se rendre compte qu'on peut faire quasiment la même chose ou la même chose sur circuit. Celui qui viendra sur circuit n'ira peut-être plus ou pas ou peu ou moins sur la voie publique. Peut-être que ses copains, amis, machin, viendront aussi par effet de curiosité sur circuit et que ça va diminuer ou je ne sais pas comment, mais ça va pas accentuer. Maintenant, éradiquer la pousse... C'est un premier pas. Je pense que la solution, on l'a pas. Que c'est un premier pas, comme l'a annoncé Madame la sous-préfète de Saint-Benoît. Qui est chargée de la sécurité routière. En ouvrant les circuits, ça donne beaucoup plus de crédit en plus à notre volonté d'interdire ces phénomènes de pousse sur la voie publique. Parce qu'il ne faut pas qu'on attende qu'il y ait un accident grave avec des victimes pour réagir. Et c'est pour ça que les pouvoirs publics, les forces de l'ordre a fortiori, ont la volonté de faire en sorte de faire passer le message, arrêter de faire ça sur la route. Sur la route, c'est un comportement de partage de la route, un comportement de citoyenneté, et on ne peut pas s'adonner à ce genre de course ouverte. Et c'est vrai qu'on ne faut pas regarder uniquement ceux qui poussent, et vous l'avez dit, il faut aussi regarder ceux qui regardent. Et là, le danger, il est peut-être plus là. Un véhicule qui sortirait ou qui serait... en perdition concernerait ses occupants, mais si elle rentre dans une foule, le chiffre est peut-être pas le même. Donc là aussi, il y a un problème qui est important et je dirais sur lequel il faut travailler. Mais voilà, le médicament, moi je l'ai pas en tout cas. Et nos auditeurs peuvent réagir au 02 62 99 2000, également au 06 92 608 335. Et puis sur Facebook, il y a Fred qui nous dit Zot va mettre un carton sur la plaque. Alors est-ce que vous avez peur de ça, commandant Fruitos, on se retrouve avec des plaques masquées? Vous voyez, ça prouve bien que c'est quand même un phénomène qui est bien ancré dans les mœurs et que les gens se comprennent pas qu'on va leur enlever cette façon de faire. Mais malheureusement, ce que je dis toujours, c'est quand on va sonner au domicile des familles pour leur annoncer votre fils ou votre fille est entre quatre planches, parce qu'elle a fait ceci, parce qu'elle a fait cela, il n'y a que quand on est confronté à ce genre de situation qu'on est convaincu qu'il faut mettre fin à ce genre de comportement outrancier et déplacé. Oui, mais je peux dire, il y a eu déjà des accidents mortels suite à la pousse. Ça s'est passé plus dans l'Ouest, je crois. Non, même ici, sur le boulevard Léopold Rambaud, là, il y a une quinzaine d'années de ça, à peu près. Et on voit que le phénomène s'atténue pendant, allez, je dirais, 4-5 mois, et ça redémarre après. Et je pense que le phénomène, à chaque fois qu'il y a un gros coup, bon, c'est vrai que ça peut le faire réfléchir, mais malheureusement, comme on dit, faites réfléchir un âne. C'est... Peut-être que je suis dur dans mon propos, mais ce sont des gens, je pense, que le comité qu'on a fondé s'appelle le comité des otages de la rue de Paul Rambaud. Je crois que c'est vrai qu'on est pris en otage. Vous n'avez pas le choix, vous ne pouvez pas, évidemment, il faudrait déménager. Il faudrait déménager, mais ce sont des lieux qu'on a achetés et, et tout le monde ne peut pas déménager. Et ça veut dire que vos maisons, par exemple, elles ont perdu de leur valeur, vous pensez ? Je ne sais pas, mais puisqu'on n'a jamais posé le problème à ce niveau. Mais il est sûr que quand les gens savent qu'on est sur la rue de Paul Rambaud et que le vendredi soir, vous ne pouvez pas dormir, je vous assure, on ne peut pas, monsieur, dormir. Ça ne s'est pas atténué ces derniers temps ? Quelque peu, mais si vous voulez bien, si le phénomène de la... Je vous dis, le phénomène de la pousse démarre aux alentours de minuit. Commence à pousser, et c'est jusqu'à 4 heures, jusqu'à 5 heures du matin. Parce que quand les voitures sont finies, après vous avez tout ce qui est à côté, la musique et autres. Quelquefois, c'est malheureux de dire, j'ai dû sortir et aller gueuler avec les gens. Alors vous disiez que vous n'avez pas été reçu par la mairie. En attendant, la municipalité de Saint-Denis va installer une caméra sur le boulevard Léopold Rambaud. Vous voyez ça comme une bonne initiative quand même ? Peut-être. Mais comme on dit, même le radar, on ne peut pas se dire, pour l'instant c'est inutile. Il faut laisser les choses se faire. Et on n'a plus que la patience derrière. Je dis, dans la mesure où les autorités répondent, il faut quand même leur dire, ils n'ont pas la solution drastique, à moins carrément de mettre tous les samedis soirs, tous les vendredis soirs, un escadron de gendarmerie sur la rue Léopold Rambaud. Et ça, on nous a bien fait comprendre qu'on ne peut pas le faire, On ne peut pas le faire. Et ça, ils le savent, les gens. Vous savez, quand les gens veulent enfreindre la loi, ils trouveront toujours un moyen pour le faire. On va voir ce qu'en pense Roland de la rivière Saint-Louis, qui est au 02 62 99 2000 avec nous. Bonjour, Roland. Oui, bonjour. Moi, je voulais réagir surtout sur la sécurité routière. On vous écoute. Alors, je voulais dire, normalement, ce débat que vous êtes en train de faire, il devrait ne plus avoir lieu. Je ne parle pas des radars, mais la sécurité routière en règle générale. Parce que, en effet, moi, je pense que la pousse existe à La Réunion depuis des dizaines d'années. Et aujourd'hui, on est encore en train de... On n'a pas trouvé la solution. Moi, je trouve ça, c'est assez scandaleux, quoi. Moi, quand j'entends ça, je suis en colère. Je voulais passer un message à la sous-préfecture de Saint-Benoît, parce que c'est cette sous-préfecture qui est chargée de la sécurité routière. Depuis des années, on a des problèmes à La Réunion. À chaque fois on entend, à chaque fois qu'on change le sous-préfet, on constate, on analyse, on fait de la prévention. Il faut arrêter de faire de la prévention. Il faut sanctionner. Vous n'avez pas encore compris, tant qu'on ne va pas toucher au porte-monnaie des chauffards, tant qu'on ne va pas sanctionner, on ne va pas être sévère, on ne va pas résoudre le problème. Là, c'est le cas avec un radar, non ? Ouais. Non, je pense que le radar, on sait où il est. On ralentit, on réaccélère, tout le monde le sait ça. Moi, je pense qu'il y a pas assez de sévérité. On ne prend pas le problème à bras le corps. Et moi, ça m'enrage. Je veux dire, moi, j'ai pas l'habitude d'appeler les radios, mais là, cette fois-ci, je dis non. Je profite de l'occasion là. Et vous êtes vous-même confronté à ce problème de la pousse, Roland ? Pas de la pousse spécialement, mais moi, comme je suis transporteur, je transporte des personnes, donc je suis sur la route tous les jours, donc je vois. Toutes les erreurs, les bêtises que les gens font sur la route. Bon, je ne dis pas que moi, j'en fais pas, hein, c'est possible. Mais je trouve ça scandaleux qu'il n'y a pas assez de sanctions, qu'il n'y a pas assez de contrôles, etc., pour prendre ce problème-là à bras le corps. Merci, Roland, d'avoir appelé Réunion Première. Commandant Frutos, on entend cette frustration et de dire ce problème existe depuis tellement longtemps qu'il est étonnant qu'on ne l'ait pas encore résolu. Alors effectivement, moi je suis content de voir qu'un auditeur souligne le manque, entre guillemets, de répression, alors que le plus souvent on nous reproche le contraire. Oui. Mais où je suis d'accord avec lui, c'est que sur certains comportements, la prévention n'a plus lieu d'être. Quand vous avez des gens qui se livrent forcément, puisque le sujet aujourd'hui c'est les pousses, délibérément à des transgressions des règles les plus élémentaires de prudence, la prévention n'a plus lieu d'être. Il faut réprimer. Donc ça, on sait le faire, on a les arsenaux. Alors on en parle peut-être pas assez. Si je puis rassurer ce monsieur, je peux dire que rien que ce week-end, pour mes 4 unités motocyclistes, on a relevé quand même 107 infractions. Infractions qui ne ciblent que les comportements accidentogènes. Et parmi ces 107, 26 alcoolémies et 28 excès de vitesse. Alors pour reprendre les propos de l'auditeur qui disait « ça fait 10 ans que ça dure et ça change rien », pour l'alcoolémie, c'est pareil. Ça fait des années qu'on a ce problème, non seulement à La Réunion, mais en France métropolitaine. Et c'est pas pour autant qu'on va baisser les bras, parce que c'est avec la vitesse excessive et les comportements inadaptés, c'est le fléau de l'insécurité routière. Mais le sujet du jour, c'est évidemment la pousse. C'est très intéressant tout ça. Sauf que la pousse, on sait en général où ça se passe, à quelle heure. La question revient, comment se fait-il qu'on n'ait pas réglé le problème ? C'est quoi les obstacles finalement ? Ils ont une certaine autorité, ces pousseurs ? Moi, je ne peux pas parler, encore une fois, du phénomène qui se passe sur le boulevard Léopold Rambaud ou Lancastel. Bien que je suis victime, comme monsieur le représentant des associations de riverains, je suis riverain aussi de Lancastel, donc oui. Je suis un peu victime des phénomènes de nuisance. Mais par contre, d'une façon générale, comme je vous le disais, il ne faut pas se leurrer. C'est un dispositif lourd à mettre en place. Alors certes, on le fait de temps en temps, mais on a aussi d'autres problématiques à combattre, qui sont la première sur l'île, c'est l'alcoolisation des conducteurs. Donc effectivement, on ne peut pas mettre en place un phénomène lutte anti-pousse tous les samedis soirs. Laurent Olivier, je rappelle que vous êtes instructeur de pilotage. C'est un problème sociétal, c'est un effet de mode aussi. L'homme a toujours voulu aller toujours plus vite, et je crois que les pousseurs veulent aussi aller plus vite dans un cadre qui n'est pas légal, oui, d'accord. Donc pour répondre à Roland très justement, je comprends très bien qu'il soit énervé. Je ne suis pas pousseur, hein, je le rassure, même si j'aime rouler vite, parce que j'ai été longtemps au volant d'une auto de compétition. Mais on ne peut pas mettre non plus un gendarme derrière chaque pousseur aussi. On ne peut pas venir tous les soirs avec je ne sais pas, 14 fourgons ou je ne sais quoi. Maintenant, voilà, on trouve des solutions, on réfléchit à des solutions, le circuit en est une, la sanction aussi, mais je suis pas d'accord, ou je pense que la prévention a tout à fait sa place. Il faut aussi faire de la prévention, et je pense que la sécurité routière, pardon, manque cruellement de moyens. J'ai découvert les moyens qu'avait la sécurité routière, moyens financiers, et j'ai trouvé ça pas ridicule, mais pas loin. Donc, si on pouvait donner des moyens, un peu plus de moyens à la sécurité routière, on ferait aussi des progrès, on ferait prendre une prise de conscience à peut-être pas un pousseur, ou si un pousseur, pourquoi pas, mais surtout à l'automobiliste qui, quelquefois, a un permis pour se déplacer d'un point A à un point B, mais n'a pas la notion, la compréhension de son véhicule. Vous qui êtes riverain, Marcel Bidois. La seule chose que je crains, c'est qu'aujourd'hui, il y a une exaspération de certains riverains. Et je le dis, c'est pas la première fois que je l'ai déjà dit au monsieur le procureur, de façon sûre, je sais qu'il y a des gens qui se sont déjà armés. Donc des riverains de la rue Léopold Rambaud. Vous avez peur que ça dégénère. Nous pouvons essayer de tout faire pour calmer, mais à un moment donné, quand les gens sont exaspérés, ils vont déborder. Et ça ne va pas dans le bon sens, évidemment. Et ça ne va pas dans le bon sens. Et je crois que les pousseurs doivent être conscients. Un jour, les gens vont... ils vont prendre des armes. Et vous dites que c'est déjà fait. Je sais ce que je dis. Commandant Frutos, ça fait un peu froid dans le dos. Je veux pas me prononcer sur les gens qui s'arment. Hein. C'est pas mon sujet, mais je voudrais répondre au moniteur de pilotage. Je n'ai pas dit qu'on faisait pas de prévention. J'ai dit que la prévention pour les gens qui outrepassent. Par contre, où je vous rejoins totalement, c'est que la prévention est nécessaire et surtout auprès des plus jeunes auditeurs. On va prendre la direction de Petite-Île. C'est Manix qui nous appelle. Bonjour. Oui, bonjour, messieurs. Vous souhaitez réagir à ce qu'a dit Roland tout à l'heure? Oui, voilà. En fait, j'entends parler de pouce. Moi, je suis pas pousseur. J'ai choisi mon sport. Je suis rallyman. Donc, voilà. Je voulais juste dire à la sécurité routière, aux maires qui sont élus, pourquoi pas avoir une piste dans le sud? Ça, je me suis toujours posé la question. Pourquoi toujours dans l'est, toujours de l'autre côté, et jamais il y a une piste dans le sud? Il en était question sur la commune du Tampon, à un moment. D'accord, ben oui, mais bon, ça c'est toujours du blablabla, je dirais. Moi, ça m'embête un petit peu quand je vois des jeunes en train de pousser sur la route. Or, il y a plein de solutions. Quand je vais en métropole, je vois des circuits, je vois des milliers de circuits dans chaque commune. Des milliers dans chaque commune. Enfin, Manix. Pas dans chaque commune, mais je dirais une piste au moins dans le sud. Dans le sud. Je profite. Moi, par exemple, je vais utiliser ma voiture. Ben, je suis obligé de soit monter à Saint-Denis ou monter à Sainte-Anne, ou sinon tricher, aller faire une spéciale, voilà, et essayer la voiture 2 minutes et puis redescendre. D'accord. On va laisser. Oui, je passe le bonjour à Manix, qui est un très bon pilote de rallye. Oui, pas de problème. Pour te répondre, Manix, je tutoie, on se connaît. Ouais. Un circuit, ça demande plusieurs travaux, c'est-à-dire que il faut du foncier, il faut des règles, il y a des normes, et on sait bien que les normes évoluent, donc c'est pas un sujet facile, même si il a tout à fait raison, on aurait besoin aussi d'un site dans le sud, notamment une mairie travaille sur le sujet. Maintenant, il parle de ses essais en pré-compétition. Bon, je connais le bonhomme. Quand on fait du sport automobile, on sait ce qu'on fait plus ou moins, plus que moins. Donc, même si on va essayer son véhicule de compétition, même si c'est pas totalement autorisé, si on n'a pas l'accord de la préfecture, mais au moins, bon, c'est un véhicule sur une route que logiquement est plus ou moins fermée ou déserte. On n'est pas sur le même registre que la pousse avec du public et plein de voitures. Donc là, c'est deux choses différentes. Par contre, on a la pousse où, pour moi, je pense qu'il n'y a aucune règle dans la pousse, à part d'être le meilleur. Sur un circuit, il y a des règles. Donc justement, il faut aussi que ces gens-là, si jamais il y a un circuit soit plus grand, soit homologué, ou un autre circuit, qu'ils puissent comprendre que sur un circuit, il y a des règles. Voilà, donc il y a des normes. On a un dernier coup de fil, celui de Patrick de Sainte-Suzanne. Bonjour. Oui, bonjour. Je vous demanderai de faire vite, s'il vous plaît, parce qu'on arrive vraiment à la fin de l'émission. Oui, mais le problème, bon, j'ai pas pu avoir la communication, mais disons, en quelque sorte, c'est un peu... Je situe un petit peu la question. C'est un faux débat parce que le problème, il y a beaucoup de paramètres qui viennent en jeu. Lesquels ? C'est-à-dire, moi, je suis toujours un motard et donc, comme on dit, c'est-à-dire dans les années 70. C'est-à-dire, j'ai commencé avec la 102 et jusqu'à même avec les motos. Oui, c'était et jusqu'à présent encore. Motocyclette. Le problème, c'est que pourquoi les autorités ne veulent pas prendre leurs responsabilités ? Parce qu'ils ont bien vu l'évolution de la population, et ils n'ont rien fait jusqu'à présent. Donc ils pouvaient pallier jusqu'à présent. Ça fait quoi? Depuis 70 ans à 2016. Et maintenant, ils crient qu'il y a la sécurité, il y a ceci, cela, il y a trop d'accidents. Les contrôles se sont renforcés, les contrôles se sont renforcés ces dernières années, puis il y a eu des radars d'installer. Aussi, quand ils parlent d'accidents, je prends un autre exemple. Moi-même, je suis dans la construction. Je te donne un exemple, c'est que quand ils lancent un appel d'offres pour les routes, est-ce que le problème de revêtement de la route, est-ce qu'ils prennent en compte et, ils donnent le meilleur marché? C'est ça le problème. Quand il y a le moins qui traîne plus, mais il y a toujours des accidents. D'accord. Et le problème, par exemple, la Vigne-des-Chèvres, c'est un problème de mauvaise gestion de conception. Parce que moi-même, j'étais confronté à ce problème-là, puisque je siégeais dans le bureau de tarification. Donc, j'étais en contact avec des assureurs, et donc, eux-mêmes, ils comprennent pas pourquoi l'État avait décidé de faire cette tracée-là. Alors, il n'y a personne autour de la table pour répondre sur cette question-là précise. C'est vous qui le dites et je vous en laisse responsable. Merci, en tout cas, de votre appel, Patrick. Est-ce que tout est fait vraiment pour que on sécurise les routes et la sécurité routière, enfin que la sécurité routière puisse être en ordre de marche? Alors, écoutez, comme on n'a plus beaucoup de temps, je vais essayer de faire bref. S'il vous plaît. Actuellement, c'est vrai qu'on prend les mesures comme dernièrement. Là, on a lancé des réunions tripartites. Police, gendarmerie, service des routes, préfecture, pour identifier des points où soit l'infrastructure, soit le revêtement, etc., pourraient être revus. Cela dit, on n'arrivera jamais à inverser la tendance si on n'influe pas sur le comportement des usagers. Comme le citait le moniteur de pilotage, les gens ne font pas la différence entre une route sèche bien adhérente et une route humide, voire après un orage, voire une coulée de boue quand on est sur Salazie ou Sillaos. Vous voyez, c'est adapter la conduite aux circonstances environnementales. Et ça, je pense que c'est le maître mot. Encore une fois, on en revient au comportement responsable des usagers. Un mot de conclusion, Marcel Bidois, peut-être pour par rapport à ce que vous nous disiez tout à l'heure. Qu'est-ce que vous allez faire pour calmer les esprits? Est-ce que ce radar peut calmer les esprits? Je crois qu'il faut laisser faire pour voir. Pour l'instant, je ne peux pas dire que le radar fonctionne depuis hier. Ce matin. Ce matin à minuit. Il est effectif pour les PV et tout ça. Bon, c'est vrai que pour le conducteur lambda, lui, il va passer à la gamelle automatiquement. Ce qui est logique aussi. Enfin, c'est aussi pour tout le monde. Il n'y a pas de raison de cibler les plus uniquement. Maintenant, pour nous, en tant que, je dirais, habitants des lieux, qui sommes pris en otage avec ces gens, ces incivilités, je crois qu'à un moment donné, si on ne fait pas attention, pour l'instant, les gens sont patients, mais il faut quand même que les autorités soient au courant qu'il y a des gens qui sont excédés. Et on ne pourra pas indéfiniment les contenir. Merci. Ça, je crois que les gens doivent s'en... De petits mots, si c'est possible. Très grave, non, on est vraiment c'est au-delà. Bon. Merci à tous les trois, je pense qu'on a dit l'essentiel. Commandant Laurent Frutos, qui commande l'escadron départemental de sécurité routière de la gendarmerie. Marcel Bidois, président du comité de défense des otages de la pousse nocturne de la rue Léopold-Rambaud. Et puis Laurent Olivier, instructeur de pilotage. Merci aux auditeurs qui ont participé à ce débat. C'est dans l'actu demain, la sécurité dans les prisons, cette fois. L'énigme. J'ai bugué. 15h-18h. Le 15-18. Du lundi au vendredi. Tous les après-midi. Ça se passe comme ça. Isabelle Waraud, Mickaël Lorette. Sur Rayon Première. Samedi 18 juin, à Petite-Île, les agrumes font une escale en musique au pays du terroir. Dès 9h, découvrez les produits de nos agriculteurs et de nos artisans sur un marché haut en couleurs. Profitez du stand tourisme de Destination Sud Réunion et de visites guidées gratuites. Le 18 juin, le plein de vitamines, c'est à Petite-Île. Oussanoussa va en concert à 20h30. Plus d'infos sur www.sud.réunion.fr. Avec Tom, on a toujours été amis depuis qu'on est petit. On est allé à l'école ensemble et on a toujours fait les pique-niques du dimanche. Encore aujourd'hui, quand il y a des fêtes, on est souvent au fourneau. Alors comme on trouvait pas de travail, on a décidé de monter notre affaire grâce au tremplin pour l'activité des jeunes. On a monté notre dossier, il a été accepté, et avec l'accompagnement du département, on a pu lancer notre snack. Alors vous aussi, réalisez vos rêves avec le tremplin pour l'activité des jeunes. Avec le département, enclenche ta motivation, déclenche ta vie, en appelant dès maintenant le numéro vert 0801 801 000 ou en te renseignant sur le site cg974.fr. Après la mort d'une cinquantaine de personnes dans une discothèque homosexuelle d'Orlando aux États-Unis, plusieurs rassemblements programmés dans différentes villes de métropole. France Info dans 2 minutes pour toute l'actualité nationale et internationale. C'est Chloé qui vous accompagne jusqu'à 15h. Merci Philippe Dornier, à demain matin sur Réunion Première. de la Réunion. Dans un petit village, là-bas la campagne. À côté sur la visa, mais pas si compliqué. Les tiennes à son métier, les vivent sur la vie tranquille. Les finis, un petit peu de la Réunion. Dans un petit village, là-bas la campagne. À côté sur la visa, mais pas si compliqué. Les tiennes à son métier, vivent sur la vie tranquille. Comme on a l'été pour ton gaillard. L'été, ça vaut la vie en mer. Mais l'idée qu'on n'est pas, si son ville est en jeu. Comme on a l'été pour ton gaillard. L'été, ça vaut la vie en mer. Mais l'idée qu'on n'est pas, si son ville est en jeu. Comme on a l'été pour ton gaillard. L'été, ça vaut la vie en mer. Mais l'idée qu'on n'est pas, si son ville est en jeu. Comme on a l'été pour ton gaillard. L'été, ça vaut la vie en mer. Mais l'idée qu'on n'est pas, si son ville est en jeu. Grand matin, il levé bien bonnet, il pense au pire au piané. Il va finir toute météo, il est marré pour monter. Grand matin, il levé bien bonnet, il pense au pire au piané. Il va finir toute météo, il est marré pour monter. Grand matin, il levé bien bonnet, il pense au pire au piané. Il va finir toute météo, il est marré pour monter. Grand matin, il levé bien bonnet, il pense au pire au piané. Météo, 13h à La Réunion, l'actualité en direct, France Info. Il est 11h. Le journal d'Agnès Soubiran. Bonjour Agnès. Bonjour Lucie, bonjour à tous. C'est une nouvelle semaine de mobilisation contre la loi travail qui commence avec demain des perturbations à prévoir dans les transports et dans les écoles et de nombreuses manifestations à l'appel de 7 organisations. Mais le mouvement initié par la CGT dans les centrales et à la SNCF notamment semble s'essouffler. Paris affiche sa solidarité avec Orlando au lendemain de la tuerie dans une boîte de nuit gay de la ville. La tour Eiffel sera ce soir aux couleurs arc-en-ciel. Et puis émotion hier soir en Floride où des milliers de personnes ont participé à une veillée. Reportage de notre envoyé spécial. À suivre également Henri Guénaud qui annonce sa candidature officielle à la primaire à droite. Et la vente d'alcool à emporter suspendue ce soir à Lyon en raison du match Belgique-Italie. À suivre également aujourd'hui l'Euro 2016 avec Espagne, République tchèque et Irlande-Suède. Et beaucoup de pluie dans le ciel hein, sur une grande partie du pays. Du soleil encore ce matin près de la Méditerranée, mais ça va se gâter avec un fort risque d'orage entre l'Auvergne et Rhône-Alpes dans la journée. Comptez de 16 à 28 degrés. Céline Dacosta pour le détail en fin de journal. France Info. Agnès Soubiran. C'est une nouvelle étape importante pour la loi travail qui arrive au Sénat cet après-midi avant de revenir à l'Assemblée début juillet. La droite majoritaire au Palais du Luxembourg va proposer une réécriture du texte proche de la version initiale. D'où une nouvelle journée de mobilisation demain. Les syndicats tablent sur une forte participation. L'appel est lancé par 7 organisations, la CGT, FO et l'UNEF notamment. Pourtant, le mouvement semble s'effilocher dans les raffineries et le trafic s'améliore à la SNCF avec pour cette 13e journée de mobilisation 9 TGV sur 10 qui circulent en moyenne, 6 transiliens sur 10, 1 intercité sur 2 et sur les liaisons RER, 2 trains sur 3 en moyenne. Les prochains jours seront donc déterminants, Marion Lourd. Au bout de 3 semaines de grève sans salaire, pas étonnant que certains se remettent au travail, admet le numéro 1 de Force Ouvrière, Jean-Claude Mailly. Mais il en est persuadé, le mouvement se poursuivra. Certains secteurs faiblissent, certes, mais les syndicats promettent une forte mobilisation mardi, plus que le 31 mars, veut croire le patron de la CGT. En attendant, pas besoin de grève pour les actions coup de poing. Dans l'énergie, plusieurs millions de foyers ont déjà vu leur compteur passer en heure creuse. Les coupures ciblées devraient reprendre. Et tant que l'exécutif sera dans le blocage, ses représentants ne pourront pas se promener tranquillement sur le terrain, menace le patron d'une puissante fédération CGT. Lui faisait partie du comité d'accueil qui a balancé des œufs au ministre de l'économie lundi dernier. Il n'est pas choqué par la présence, mercredi, de militants devant chez la ministre du Travail. Ce genre d'action va se reproduire, assure le syndicaliste. Dans l'agenda de Myriam El Khomri d'ailleurs, plus de déplacements prévus pendant 15 jours. Mais promis, rien à voir avec l'ambiance, c'est juste que la ministre sera trop occupée à défendre sa loi au Sénat. Et à noter ce matin l'action des opposants à la loi travail qui ont bloqué l'ensemble des bus toulousains avant d'être délogés par les forces de l'ordre. Et puis concernant le conflit des pilotes à Air France, la grève se poursuit aujourd'hui avec 20% des vols annulés. Aux États-Unis, l'enquête sur la tuerie dans une boîte de nuit gay à Orlando devra déterminer si l'auteur des tirs était en lien avec les djihadistes de Daesh. Cet Américain de 29 ans, né à New York dans une famille d'origine afghane, avait été interrogé par le FBI pour ses liens supposés avec des terroristes, mais cela n'avait pas eu de suite. L'auteur des coups de feu visait la communauté homosexuelle dans cette boîte emblématique de Floride, le Pulp. L'émotion était donc très forte dans la ville où une veillée a eu lieu hier soir. Reportage de l'envoyé spécial de France Info, Frédéric Carbone. Dans cette église d'Orlando, le drapeau arc-en-ciel occupe une partie de l'autel et des photos du Pulse, le club gay attaqué la nuit dernière, défilent sur un écran. Au premier rang, un homme a encore le bracelet de l'hôpital dont il vient de sortir. Il a été blessé la nuit dernière, mais il a tenu à assister à la cérémonie et à dire quelques mots. Cette victime raconte les 3 heures cachées dans les toilettes de la boîte de nuit. Il dit qu'à chaque rafale de fusil mitrailleur, il se voyait mourir. L'assistance l'entoure, l'applaudit. Les témoignages de soutien et d'unité se succèdent. Richard Lamberti fait partie de la chorale gay de la ville d'Orlando. Il est venu chanter à l'église et il refuse de stigmatiser une religion. On a enterré Mohamed Ali vendredi dernier. Il se battait pour la paix et pour l'amour. Ce tueur était musulman, mais ce qu'il a fait n'a rien à voir avec l'islam. Toutes les religions mettent l'amour au premier plan et nous ne pouvons pas laisser la haine l'emporter. Partout en ville, on se rassemble, des veillées, des bougies, dans les églises et dans les parcs. Besoin d'être ensemble. Le seul endroit où ce n'est pas possible, c'est le Pulse. Le FBI occupe les lieux. Les familles ne pourront pas voir les corps de leurs proches avant ce matin. Orlando, Frédéric Carbone, France Info. Et les réactions sont nombreuses, notamment au sein de la classe politique américaine. Le président Obama s'est exprimé brièvement pour dénoncer un acte de terreur et de haine, tandis que Donald Trump s'est félicité d'avoir eu raison sur l'islamisme radical dont il a fait son fonds de commerce. Charlotte Alix. Des messages de condoléances comme celui-ci, Barack Obama en a délivré une vingtaine depuis le début de son mandat. Comme après chaque tuerie de masse, il a dénoncé hier la facilité avec laquelle il est possible de se procurer des armes de guerre aux États-Unis et de s'en servir contre des écoles, des lieux de culte ou, dans le cas présent, une boîte de nuit. Mais il a surtout eu des propos rassembleurs. Les attaques à l'encontre de n'importe quel Américain, quelle que soit son appartenance ethnique, sa religion et son orientation sexuelle, sont une attaque contre tous les Américains. Nous ne céderons pas à la peur, ni nous ne retournerons les uns contre les autres. Au lieu de ça, nous allons rester unis pour protéger notre peuple, défendre notre nation et agir contre ceux qui nous menacent. Pas un mot en revanche sur l'islamisme radical revendiqué par le tireur, ce que Donald Trump n'a pas manqué de critiquer, lui qui fait largement recette et avec succès sur la menace terroriste islamiste. J'ai dit que cela allait arriver et cela ne va qu'empirer. J'ai appelé nos dirigeants et demandé l'interdiction. Il faut être dur, a réagi le candidat des Républicains, qui réaffirme donc son intention d'interdire l'accès des États-Unis aux musulmans s'il est élu. Prudente, sa rivale Hillary Clinton s'est quant à elle limitée à un message de condoléances et elle a reporter un meeting de campagne prévu mercredi avec Barack Obama. New York, Charlotte Alix, France Info. Nombreuses réactions également en France. En solidarité, la Tour Eiffel sera ce soir aux couleurs arc-en-ciel et une minute de silence a été observée ce matin à l'ouverture du Conseil de Paris. Et de 12, Henri Guénot sera le 12e candidat à la primaire à droite. Le député Les Républicains des Yvelines l'a annoncé ce matin sur France Inter. Il estime qu'il manque sur l'échiquier politique un représentant de la grande famille du gaullisme. On l'écoute. J'ai beaucoup réfléchi, j'ai pris mon temps, j'ai pesé, comme vous le disiez tout à l'heure, le pour et le contre, et je me suis dit que je ne pouvais pas rester les bras croisés devant la manière dont tourne le débat. J'étais très opposé aux primaires, c'est une très mauvaise idée, et chaque jour prouve que c'est une très mauvaise idée, encore plus mauvaise que je l'avais pensé. Et c'est preuve d'y aller. Voilà. Que va-t-il se passer si les choses continuent comme aujourd'hui? La primaire ouverte de la droite va faire un hold-up sur l'élection présidentielle. Donc, je ne peux pas rester les bras croisés devant cette espèce de confiscation. La primaire, c'est la règle que nous nous sommes donnée, elle est là. Vous savez, c'est comme une loi, vous pouvez être contre une loi, elle est votée, vous êtes bien obligé de respecter la loi. Donc, je vais respecter la règle, mais je vais y prendre ma part. Henri Guénot dans le 7-9 de France Inter ce matin. Le tribunal correctionnel de Sarreguemines a condamné le groupe Total ce matin à 200 000 euros d'amende pour l'explosion mortelle du Vapo Cracker, une sorte de four à gaz utilisé utilisé dans l'usine de Carlin en Moselle. L'explosion dans cette filiale produits chimiques du groupe pétrolier français avait fait 2 morts et 6 blessés le 15 juillet 2009. À noter que Total va faire appel de cette condamnation. Ouvrons à présent le chapitre Euro 2016 et la compétition a été endeuillée par la mort d'un supporter nord-irlandais la nuit dernière à Nice. Totalement ivre, l'homme a fait une chute de plusieurs mètres après avoir tenté d'escalader une rambarde donnant sur une plage privée vers 2h du matin. Concernant les violences à Marseille, une douzaine de supporters, notamment britanniques, vont être jugés en comparution immédiate aujourd'hui. Les affrontements avec des supporters russes avaient fait 30 de blessés, dont un toujours dans un état préoccupant. Et pour lutter contre la consommation d'alcool, le ministre de l'Intérieur a donné au préfet la possibilité d'interdire la vente d'alcool, notamment dans les supérettes, la veille et le jour de certains matchs particulièrement sensibles. Ainsi, le préfet vient de décider d'interdire la vente d'alcool à emporter à Lyon pour le match Belgique-Italie ce soir. À suivre effectivement aujourd'hui donc Belgique-Italie à Lyon à 21h, mais également Irlande-Suède à 18h au Stade de France et puis Espagne-République tchèque à 15h à Toulouse. Les Espagnols tenants du titre, Alain Gastal. Il y a d'un côté l'Espagne irrésistible avec son triplé sans précédent, 2 euros et une Coupe du Monde entre 2008 et 2012. Sur le terrain, une parfaite synthèse du Real et du Barça. Ramos comme patron, Iniesta comme meneur de jeu et ce tiki-taka, cette succession de passes courtes, rapides et précises qui fait tourner les têtes de toutes les sélections rivales. Et puis, il y a l'Espagne qui n'y arrive pas, capable d'incroyables ratés battus par les Slovaques en éliminatoire et pire par les Géorgiens, 137e nation mondiale. Il y a tout juste une semaine, c'était le dernier match de